Chapitre 15. D'après les dangers que je courais en restant avec Roman et sa troupe, on peut se faire une idée de la joie que je ressentis de les avoir quittés. Il était évident que le gouvernement, une fois solidement assis, prendrait les mesures les plus efficaces pour la sûreté de l'intérieur. Les débris de ces bandes qui, sous le nom de Chevaliers du Soleil ou de Compagnie de Jésus, devaient leur formation à l'espoir d'une réaction politique ajournée indéfiniment, ne pouvaient manquer d'être anéantis aussitôt qu'on le voudrait. Le seul prétexte honnête de leur brigandage, le royalisme, n'existait plus, et quoique le Hiver, les Lepêtre, les Boulanger, les Bastides, les Josion et autres fils de famille se fissent encore une gloire d'attaquer les courriers parce qu'ils y trouvaient leur profit, il commençait d'être plus du bon ton de prouver que l'on pensait bien en s'appropriant par un coup de main l'argent de l'État. Tous ces incroyables, à qui il avait semblé piquant d'entraver le pistolet au poing, la circulation des dépêches et la concentration du produit des impôts, rentraient dans leur foyer, ceux qui en avaient, ou tâchaient de se faire oublier ailleurs, loin du théâtre de leurs exploits. En définitive, l'ordre se rétablissait, et ne touchait au terme où les brigands, quelle que fût leur couleur ou leur motif, ne jouiraient plus de la moindre considération. J'aurais eu le désir, dans de telles circonstances, de m'enrôler dans une bande de voleurs, que, abstraction faite de l'infamie que je ne redoutais plus, je m'en fusse bien gardé par la certitude d'arriver promptement à l'échafaud. Mais une autre pensée m'animait. Je voulais fuir, à quelque prix que ce fût, les occasions et les voies du crime. Je voulais rester libre. J'ignorais comment ce vœu se réaliserait. N'importe, mon parti était pris. J'avais fait, comme on dit, une croix sur le bagne. Pressé que j'étais de m'en éloigner de plus en plus, je me dirigeais sur Lyon, évitant les grandes routes jusqu'aux environs d'Orange. Là, je trouvais des rouliers provençaux dont le chargement m'eut bientôt révélé qu'ils allaient suivre le même chemin que moi. Je liai conversation avec eux, et comme ils me paraissaient d'assez bonnes gens, je n'hésitais pas à leur dire que j'étais déserteur et qu'ils me rendraient un très grand service si, pour m'aider à mettre en défaut la vigilance des gendarmes, ils consentaient à m'impatroniser parmi eux. Cette proposition ne leur causa aucune espèce de surprise. Il semblait qu'ils se fussent attendus que je réclamerais l'abri de leur inviolabilité. À cette époque, et surtout dans le Midi, il n'était pas rare de rencontrer des braves qui, pour fuir leur drapeau, s'en remettaient ainsi prudemment à la garde de Dieu. Il était donc tout naturel que l'on fût disposé à m'en croire sur parole. Les rouliers me firent bon accueil. Quelque argent que je laissais voir à dessein acheva de les intéresser à mon sort. Il fut convenu que je passerais pour le fils du maître des voitures qui composait le convoi. En conséquence, on m'affubla d'une blouse, et comme j'étais censé faire mon premier voyage, on me décora de rubans et de bouquets, joyeux insignes qui, dans chaque auberge, me valurent les félicitations de tout le monde. Nouveau Jean de Paris, je m'acquittais assez bien de mon rôle, mais les largesses nécessaires pour le soutenir convenablement portèrent à ma bourse de 6 rudes atteintes, qu'en arrivant à la Guillotière, où je me séparais de mes gens, il me restait en tout 28 sous. Avec de si minces ressources, il n'y avait pas à songer aux hôtels de la place des Terreaux. Après avoir erré quelque temps dans les rues sales et noires de la seconde ville de France, je remarquai, rue des 4 Chapeaux, une espèce de taverne où je pensais que l'on pourrait me servir un souper proportionné à l'état de mes finances. Je ne m'étais pas trompé. Le souper fut médiocre et trop tôt terminé. Rester sur son appétit est déjà un désagrément. Ne savoir où trouver un gîte en est un autre. Quand j'eus essuyé mon couteau, qui pourtant n'était pas trop gras, je m'attristais par l'idée que j'allais être réduit à passer la nuit à la Belle Étoile, lorsqu'à une table, voisine de la mienne, j'entendis parler cet Allemand corrompu qui est usité dans quelques cantons des Pays-Bas et que je comprenais parfaitement. Les interlocuteurs étaient un homme et une femme déjà sur le retour. Je les reconnus pour des Juifs. Instruits qu'à Lyon, comme dans beaucoup d'autres villes, les gens de cette caste tiennent des maisons garnies, où l'on admet volontiers les voyageurs en contrebande, je leur demandai s'ils ne pourraient pas m'indiquer une auberge. Je ne pouvais mieux m'adresser. Le Juif et sa femme étaient des logeurs. Ils offrirent de devenir mes hôtes, et je les accompagnai chez eux rue Thomassin. 6 lits garnissaient le local dans lequel on m'installa. Aucun d'eux n'était occupé, et pourtant, il était 10 heures. Je crus que je n'aurais pas de camarade de chambrée, et je m'endormis dans cette persuasion. À mon réveil, des mots d'une langue qui m'était familière viennent jusqu'à moi. « Voilà 6 plombes et une mèche qui crosse, » dit une voix qui ne m'était pas inconnue. « Tu pionces encore. »« Voilà 6h30 qui sonne, tu dors encore. »« Je crois bien. » »« Nous avons voulu maquiller à la sargue chez un orphelin, mais le pot était chaud. »« J'ai vu le moment où il faudra jouer du 22. Et alors il y aurait eu du raisinet. Nous avons voulu voler cette nuit chez un orfèvre, mais le bourgeois était sur ses gardes. J'ai vu le moment où il faudrait jouer du poignard. Et alors il y aurait eu du sang. Ah ah, tu as peur d'aller à l'abbaye de Montaregret. Mais en goupinant comme ça, on n'affure pas d'Aubert. Ah ah, tu as peur d'aller à la guillotine. Mais en travaillant de la sorte, on n'attrape pas d'argent. J'aimerais mieux faire suer le chêne sur le grand trimard que décorner les boucards. On a toujours les lièges sur le dos. J'aimerais mieux assassiner sur la grande route que de forcer des boutiques. On a toujours les gendarmes sur le dos. Enfin, vous n'avez rien grinchi. Il y avait pourtant de belles fourfières, des coucous, des brides d'Orient. Le guinal n'aura rien à mettre au fourgas. Enfin, vous n'avez rien pris. Il y avait pourtant de belles tabatières, des montres, des chaînes d'or. Le juif n'aura rien à receler. Non. Le carouble s'est esquinté dans la serrante. Le riflard a battu Maurras. Il a fallu se donner de l'air. Non. La fausse clé s'est cassée dans la serrure. Le bourgeois a crié au secours et il a fallu se sauver. Hé, les autres, dit un troisième interlocuteur, ne balancez donc pas tant le chiffon rouge. Il y a là un chêne qui peut prêter l'oche. Ne remuez pas tant la langue, il y a un homme qui peut prêter l'oreille. L'avis était tardif. Cependant, on se tut. J'entr'ouvris les yeux pour voir la figure de mes compagnons de chambrée, mais mon lit étant le plus bas de tous, je ne pus rien apercevoir. Je restai immobile pour faire croire à mon sommeil. Lorsqu'un des causeurs s'est enlevé, je reconnus un évadé du bagne de Toulon, neveu, parti quelques jours avant moi. Son camarade saute du lit, ses cas d'épaule, autre évadé. Un troisième, un quatrième individu se mettent sur leur séant, ce sont aussi des forçats. Il y avait de quoi se croire encore à la salle numéro 3. Enfin, je quitte à mon tour le rabat. À peine ai-je mis le pied sur le carreau, qu'un cri général s'élève. « C'est Bidoc !» On s'empresse, on me félicite. L'un des voleurs du garde-meuble, Charles Deschamps, qui s'était sauvé peu de jours après moi, me dit que tout le bagne était dans l'admiration de mon audace et de mes succès. 9 heures sonnent. On m'emmène déjeuner au Broteau, où je trouve les frères Quinet, Bonnefoy, Robineau, Métral, Lemas, tous fameux dans le midi. On m'accable de prévenance, on me procure de l'argent, des habits et jusqu'à une maîtresse. J'étais là, comme on voit, dans la même position qu'à Nantes. Je ne me souciais pas plus qu'en Bretagne d'exercer le métier de mes amis, mais je devais recevoir de ma mère un secours pécuniaire, et il fallait vivre en attendant. J'imaginais que je parviendrais me faire nourrir quelque temps sans travailler. Je me proposais rigoureusement de n'être qu'en subsistance parmi les voleurs, mais l'homme propose et Dieu dispose. Les évadés, mécontents de ce que, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, j'évitais de concourir au vol qu'ils commettaient chaque jour, me firent dénoncer sous main pour se débarrasser d'un témoin important et qui pouvait devenir dangereux. Ils présumaient bien que je parviendrais à m'échapper, mais ils comptaient qu'une fois reconnu par la police, et n'ayant plus d'autre refuge que leur bande, je me déciderais à prendre parti avec eux. Dans cette circonstance, comme dans toutes celles du même genre où je me suis trouvé, si l'on tenait tant à m'embaucher, c'est que l'on avait une haute opinion de mon intelligence, de mon adresse et surtout de ma force, qualité précieuse, dans une profession où le profit est trop souvent rapproché du péril. Arrêté, passage Saint-Côme, chez Adèle Buffin, je fus conduit à la prison de Roanne. Dès les premiers mots de mon interrogatoire, je reconnus que j'avais été vendu. Dans la fureur où me jeta cette découverte, je pris un parti violent, qui fut en quelque sorte mon début dans une carrière tout à fait nouvelle pour moi. J'écrivis à M. Dubois, commissaire général de police, pour lui demander à l'entretenir en particulier. Le même soir, on me conduisit dans son cabinet. Après lui avoir expliqué ma position, je lui proposai de le mettre sur les traces des frères Quinet, alors poursuivis pour avoir assassiné la femme d'un maçon de la rue Bellecordière. J'offris en outre de donner les moyens de se saisir de tous les individus logés tant chez le juif que chez Caffin, menuisier, rue Écorche-Bœuf. Je ne mettais à ce service d'autre prix que la liberté de quitter Lyon. M. Dubois devait avoir été plus d'une fois dupe de pareilles propositions. Je vis qu'il hésitait à s'en rapporter à moi. « Vous doutez de ma bonne foi, lui dis-je. La suspecteriez-vous encore si, m'étant échappé dans le trajet pour retourner à la prison, je revenais me constituer votre prisonnier ?»« Non, me répondit-il. Eh bien, vous me reverrez bientôt pourvu que vous consentiez à ne faire à mes surveillants aucune recommandation particulière. » Il accédait à ma demande, l'on m'emmena. Arrivé au coin de la rue de la Lanterne, je renverse les deux estafiers qui me tenaient sous le bras, et je regagne à toutes jambes l'hôtel de ville où je retrouve M. Dubois. Cette prompte apparition le surprit beaucoup, mais certain dès lors qu'il pouvait compter sur moi, il permit que je me retirasse en liberté. Le lendemain, je vis le juif qu'on nommait Vidal. Il m'annonça que nos amis étaient allés loger à la Croix-Rousse, dans une maison qu'il m'indiqua. Je m'y rendis. On connaissait mon évasion, mais comme on était loin de soupçonner mes relations avec le commissaire général de police, et qu'on ne supposait pas que j'eusse deviné d'où partait le coup qui m'avait frappé, on me fit un accueil fort amical. Dans la conversation, je recueillis sur les frères Quinet des détails que je transmis la même nuit à M. Dubois, qui, bien convaincu de ma sincérité, me mit en rapport avec M. Garnier, secrétaire général de police, aujourd'hui commissaire à Paris. Je donnai à ce fonctionnaire tous les renseignements nécessaires, et je dois dire qu'il opéra de son côté avec beaucoup de tact et d'activité. Deux jours avant qu'on effectuât, d'après mes indications, une descente chez Vidal, je me fis arrêter de nouveau. On me reconduisit dans la prison de Roanne où arrivèrent le lendemain Vidal lui-même, Caffin, Neveu, Cadet-Paul, Deschamps et plusieurs autres qu'on avait pris du même coup de filet. Je restai d'abord sans communication avec eux parce que j'avais jugé convenable de me faire mettre au secret. Quand je sortis au bout de quelques jours pour être réuni aux autres prisonniers, je feignis une grande surprise de trouver là tout mon monde. Personne ne paraissait avoir la moindre idée du rôle que j'avais joué dans les arrestations. Neveu seul me regardait avec une espèce de défiance. Je lui en demandai la cause. Il m'avoua qu'à la manière dont on l'avait fouillé et interrogé, il ne pouvait s'empêcher de croire que j'étais le dénonciateur. Je jouais l'indignation, et dans la crainte que cette opinion ne prît de la consistance, je réunis les prisonniers, je leur fis part des soupçons de Neveu, en leur demandant s'ils me croyaient capable de vendre mes camarades. Tous répondirent négativement, et Neveu se vit contraint de me faire des excuses. Il était bien important pour moi que ces soupçons se dissipassent ainsi, car j'étais réservé à une mort certaine, s'ils se fussent confirmés. On avait vu à Roanne plusieurs exemples de cette justice distributive que les détenus exerçaient entre eux. Un nommé Moissel, soupçonné d'avoir fait des révélations relativement à un vol de vase sacré, avait été assommé dans les cours sans qu'on pût jamais découvrir avec certitude quel était l'assassin. Plus récemment, un autre individu, accusé d'une indiscrétion du même genre, avait été trouvé un matin pendu avec un lien de paille au barreau d'une fenêtre. Les recherches n'avaient pas eu plus de succès. Sur ces entrefaites, M. Dubois me manda à son cabinet, où, pour écarter tout soupçon, on me conduisit avec d'autres détenus, comme s'il se fût agi d'un interrogatoire. J'entrai le premier. Le commissaire général me dit qu'il venait d'arriver à Lyon plusieurs voleurs de Paris, fort adroits, et d'autant plus dangereux que, munis de papiers en règle, ils pouvaient attendre en toute sécurité l'occasion de faire quelques coups pour disparaître aussitôt après. C'était Jallier dit Boubance, Boutet dit Cadet, Garard, Buchard, Molin dit le Chapelier, Marquis dit Main d'Or, et quelques autres moins fameux. Ces noms, sous lesquels ils me furent désignés, m'était alors tout à fait inconnu. Je le déclarai à M. Dubois, en ajoutant qu'il était possible qu'ils fussent faux. Il voulait me faire relâcher immédiatement pour qu'en voyant ces individus dans quelque lieu public, je puisse m'assurer s'ils ne m'avaient jamais passé sous les yeux. Mais je lui fis observer qu'une mise en liberté aussi brusque ne manquerait pas de me compromettre vis-à-vis des détenus, dans le cas où le bien du service exigerait qu'on m'y croie de nouveau. La réflexion parut juste, et il fut convenu qu'on aviserait au moyen de me faire sortir le lendemain sans inconvénient. Neveu, qui se trouvait parmi les détenus extraits en même temps que moi pour subir l'interrogatoire, me succéda dans le cabinet du commissaire général. Après quelques instants, je le vis sortir fort échauffé. Je lui demandai ce qui lui était advenu. « Croirais-tu, me dit-il, que le curieux m'a demandé si je voulais macaronner des pègres de la Grande Bergne qui viennent d'arriver ici? S'il n'y a que moi pour les enflaquer, il pourrait bien des carrés de belle. » « Croirais-tu que le commissaire m'a demandé si je voulais faire découvrir des voleurs qui viennent d'arriver de Paris? S'il n'y a que moi pour les faire arrêter, ils sont bien sûrs de se sauver. »« Je ne te croyais pas si job, » repris-je, songeant rapidement au moyen de tirer parti de cette circonstance. « J'ai promis de reconnombrer tous les grinchisseurs et de les faire arc-pincer. Je ne te croyais pas si niais. Moi, j'ai promis de reconnaître tous les voleurs et de les faire arrêter. Comment? Tu te ferais cuisinier? D'ailleurs, tu ne les connombres pas. » « Comment, tu te ferais mouchard? D'ailleurs, tu ne les connais pas. Qu'importe, on me laissera fourmiller dans la vergne, et je trouverai bien moyen de me cavaler, tandis que tu seras encore avec le chat. Qu'importe, on me laissera courir la ville, et je trouverai bien moyen de m'évader, tandis que toi tu resteras avec le geôlier. » Neveu fut frappé de cette idée. Il témoigna vif regret d'avoir repoussé les offres du commissaire général, et comme je ne pouvais me passer de lui pour aller à la découverte, je le pressai fortement de revenir sur sa première décision. Il y consentit, et M. Dubois, que j'avais prévenu, nous fit conduire tous deux un soir à la porte du Grand Théâtre, puis au Célestin, où Neveu me signala tous nos hommes. Nous nous retirâmes ensuite, escortés par les agents de police, qui nous serraient de fort près. Pour le succès de mon plan et pour ne pas me rendre suspect, il fallait pourtant faire une tentative qui confirma au moins l'espoir que j'avais donné à mon compagnon. Je lui fis part de mon projet. En passant rue Mercière, nous entrâmes brusquement dans un passage dont je tirai la porte sur nous, et pendant que les agents couraient à l'autre issue, nous sortîmes tranquillement par où nous étions entrés. Lorsqu'ils revinrent, tout honteux de leur gaucherie, nous étions déjà loin. Deux jours après, Neveu, dont on n'avait plus besoin, et qui ne pouvait plus me soupçonner, fut arrêté de nouveau. Pour moi, connaissant alors les voleurs qu'on voulait découvrir, je les signalai aux agents de police dans l'église de Saint-Nizier, où ils s'étaient réunis un dimanche dans l'espoir de faire quelques coups à la sortie du salut. Ne pouvant plus être utile à l'autorité, je quittai ensuite Lyon pour me rendre à Paris, où grâce à M. Dubois, j'étais sûr d'arriver sans être inquiété. Je partis en diligence par la route de la Bourgogne. On ne voyage alors que deux jours. À Lucy-le-Bois, où j'avais couché comme tous les voyageurs, on m'oublia au moment du départ, et lorsque je m'éveillais, la voiture était partie depuis plus de deux heures. J'espérais la rejoindre à la faveur des inégalités de la route, qui est très montueuse dans ces cantons. Mais en approchant Saint-Brice, je pus me convaincre qu'elle avait trop d'avance sur moi pour qu'il me fût possible de la rattraper. Je ralentis alors le pas. Un individu qui cheminait dans la même direction, me voyant tout en nage, me regarda avec attention et me demanda si je venais de Lucy-le-Bois. Je lui dis qu'effectivement j'en venais, et la conversation en resta là. Cet homme s'arrêta à Saint-Brice, tandis que je poussais jusqu'à Auxerre. Excédé de fatigue, j'entrai dans une auberge où, après avoir dîné, je m'empressai de demander un lit. Je dormais depuis quelques heures lorsque je fus réveillé par un grand bruit qui se faisait à ma porte. On frappait à coups redoublés. Je me lève, demi-habillé, j'ouvre, et mes yeux encore troublés par le sommeil entrevoient des écharpes tricolores, des culottes jaunes et des parements rouges. C'est le commissaire de police, flanqué d'un maréchal des logis et de deux gendarmes. À cet aspect, je ne suis pas maître d'une première émotion. « Voyez comme il pâlit, » dit-on à mes côtés. « Il n'y a pas de doute, c'est lui. » Je lève les yeux, je reconnais l'homme qui m'avait parlé à Saint-Brice, mais rien ne m'expliquait encore le motif de cette subite invasion. « Procédons méthodiquement, » dit le commissaire. « 5 pieds 5 pouces, c'est bien ça. Cheveux blonds, sourcils barbes idem, front ordinaire, yeux gris, nez fort, bouche moyenne, menton rond, visage plein, teint coloré, assez forte corpulence. « C'est lui !» s'écrie le maréchal des logis, les deux gendarmes et l'homme de Saint-Brice. « Oui, c'est bien lui, » dit à son tour le commissaire. « Redingote bleue, culotte de Casimir gris, gilet blanc, cravate noire. C'était à peu près mon costume. « Eh bien, ne l'avais-je pas dit ?» observe avec une satisfaction marquée l'officier guide des sbires. « C'est un des voleurs !» Le signalement s'accordait parfaitement avec le mien. Pourtant, je n'avais rien volé. Mais dans ma situation, je ne devais pas moins en concevoir des inquiétudes. Peut-être n'était-ce qu'une méprise. Peut-être aussi, l'assistance s'agitait, transportée de joie. « Paix donc !» s'écria le commissaire. Puis tournant le feuillet, il continua. « On le reconnaîtra facilement à son accent italien très prononcé. Il a de plus le pouce de la main droite fortement endommagé par un coup de feu. » Je parlais devant eux, je montrais ma main droite, elle était en fort bon état. Tous les assistants se regardèrent. L'homme de Saint-Brice surtout parut singulièrement déconcerté. Pour moi, je me sentais débarrassé d'un poids énorme. Le commissaire, que je questionnais à mon tour, m'apprit que la nuit précédente un vol considérable avait été commis à Saint-Brice. Un des individus soupçonnés d'y avoir participé portait des vêtements semblables aux miens. Il y avait identité de signalement. C'était à ce concours de circonstances, à cet étrange du hasard qu'était due la désagréable visite que je venais de recevoir. On me fit des excuses, que j'accueillis de bonne grâce, fort heureux d'en être quitte à si bon marché. Toutefois, dans la crainte de quelque nouvelle catastrophe, je montai le soir même dans une patache qui me transporta à Paris, d'où je filai aussitôt sur Arras.